la 6, por favor, Don Vinoyski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hola. Ouais, mon poteau, là, je suis pété. Je suis en buvette, pas sous béto. Putain, j'ai des poteaux qui sont béton. Oh, la D, j'ai mes Air Max sur le béton. Ça me fait chier, et tu sais pourquoi je fais ça. Je dois sortir maman de la S. Je suis dans Paname, je vois des deux cars. J'achète tout ce qui me plaît, tout ce qui me plaît. Je suis dans un chauffeur, je roule, j'écris. La pétage, la baisse au Roddy Rich. Elle pensait que j'allais être son Jaoul. Nouveau Merco, je suis dans l'auto. Je roule. Fuck le RER, là j'en ai trop marre. Y'a des gens qui puent partout et ça me rend fou. Putain, mais toi t'es chelou. Je suis fauché, mais tu fais le jaloux. Vas-y, passe dans le four, il fait chaud comme à Rio. Si j'achète nouveau Gamos, ils vont me le rayer. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Je danse la salsa. Je danse la salsa. La joie et la hess. La joie et la hess. Pépère, je récupère sa mère. Je prends du papier en 10 minutes, je récupère 3 salaires. Et ma batterie a diminué vu que je suis dans les affaires. Midi, minuit, moi je connais pas tralalalalalair. Les gueux vont toquer, tous les blazes au toki. Elle est coquine, elle veut que je la doguine. Je voulais t'expliquer bien, mais t'es Gucci. Donne-moi mes euros de balle, ton tokoshi. Passe à la retour mon poteau, y'a de la fumée et de la peu. Au détail, y'a pas d'à peu près. L'argent monte petit à petit, les petits font les bandits. L'ancien joue les Gandhi, je te le dis. Qui t'a coloré comme drapeau, comme rien. T'étais pas là quand dans les poches j'avais rien. J'prends bigot sans fil, on tire comme à la cantine. J'prends une puce, je file et rien que ça tartille. Si ça marche pas, j'prends les cahiers. Si ça marche pas, j'ai déjà coffré. Mon la bibi, toi t'achètes. Oh bibi, m'casse la tête. Wow, wow, wow, j'suis dans le bad, ouais. Wow, wow, wow, rien n'a changé. T'es mon ref, j'te fais la passe. Te lâcherai pas pour des fesses. Vas-y, passe dans le four, il fait chaud comme à Rio. Si j'achète nouveau Gamos, ils vont me le rayer. J'suis dans le sas, on danse la salsa. J'suis dans le sas, on danse la salsa. J'danse la salsa. J'danse la salsa. La joie et la hess.